Bonjour à tous et bienvenue dans Freaks et Merveilles, un podcast sur les arts du cabaret queer. Et oui, c'est déjà le deuxième épisode de cette deuxième saison qui ne parle plus de drague contrairement à la première, mais qui élargit le spectre et les horizons à l'ensemble des arts vivants queer. Et on a du pain sur la planche. Pour ce deuxième épisode, je vous présente Laetitia avec un Z. J'ai croisé Laetitia avec un Z à Queeriosity il y a environ un an et demi. Je dois avouer que quand la veuve a annoncé du stand-up, j'ai un peu soufflé. Parce que le stand-up, c'est pas ma tasse de thé. Et puis 5 minutes plus tard, j'avais mal au bide et des larmes qui coulaient tellement j'avais ri. Un an plus tard, je l'ai invité à mettre le feu au Grand Carme pendant la fête de fin de saison de Freaks et Merveilles. Et quel grand moment ça a été. Laetitia, elle jongle entre les étiquettes, les reels sur sa thérapie, les annonces de dates accompagnées d'un détourage discutable de Boubou, son chien. Laetitia, elle cartonne. C'est un bonheur de la voir ici. Alors Laetitia, comment ça va ? Mais ça va très bien, je suis vraiment ravie d'être ici. Par contre, je comprends pas le problème avec le détourage de Boubou dans l'annonce de mes dates. Moi, je le trouve super. Il est très bien, c'est juste qu'il est... Avoir toujours ces grands yeux qui te fixent, genre, viens la voir. Cette photo est parfaite. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la voir sur mon Instagram. Oui. C'est un argument de vente hors pair. Mais je comprends. Mais je vois que les différents artistes de stand-up ont leur truc, quoi. Toi, c'est Boubou qui te regarde avec des yeux de démon, genre, viens voir Laetitia, sinon il va se passer des choses. Ah ouais, et c'est plutôt un démon mignon, je trouve. Oui, c'est un démon mignon, c'est vrai. Il vient plutôt hanter tes rêves. Que... je sens que je t'ai fait peur avec le chien, en fait. Je vais peut-être changer. Ah non, non, surtout pas. Mais du coup, être stand-upeuse, c'est être community manager aussi ? Bah oui, évidemment. Enfin, en tout cas, à mon niveau, il faut tout faire. J'ai 1300 followers, on va pas se mentir, c'est pas beaucoup. C'est pas mal, mais c'est pas encore la fame qui justifie que j'ai un ou une community manageruse. Ce qui serait super parce que, en fait, je manage très mal ma communauté, je pense. C'est-à-dire que je poste quand j'ai le temps. Je fais des stories hyper aléatoires et le montage de mes vidéos, ça me saoule. Voilà, je le fais parce qu'il faut vraiment... C'est pas mon côté préféré du job, quoi. Oui, je comprends. Bon, on aura peut-être l'occasion de reparler un peu community management plus tard, mais du coup, je voulais ouvrir avec la question la plus bête du monde et qui, à mon avis, on a dû te poser. C'est dur de faire rire les gens ? On m'a jamais demandé ça. Oh ! Non. J'ai la primeur. Bravo. Ouais, on m'a déjà demandé est-ce que c'est dur quand les gens ne rient pas ? Oui, c'est dur. Il faut pas le prendre personnellement. Mais oui, faire rire les gens, je pense que c'est difficile. Ce serait très présomptueux de ma part de dire que ça l'est pas. En fait, l'humour aussi c'est très subjectif, donc évidemment je vais parler à certaines personnes et pas à d'autres, donc parfois si je fais pas rire des personnes c'est parce que je fais pas un type d'humour qui leur correspond, c'est hyper ok, ou alors c'est des histoires que je me raconte pour me rassurer, je sais pas. mais oui c'est dur parce que l'humour c'est pas simple, ça doit être, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai envie que ce soit intelligent et faire de l'humour intelligent c'est pas facile. Voilà, donc je travaille quand même beaucoup. Ouais, et parce que, alors, de ce que j'ai compris, faire de l'humour, c'est aussi faire des fours. Il y a des moments où, même dans la même soirée, vous faites plusieurs plateaux et les mêmes blagues, parfois, font un flop magistral et parfois, il y a une standing ovation, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est assez particulier quand ça arrive, ces moments-là, effectivement, d'avoir le même texte qui passe pas du tout d'un côté et puis qui est un succès retentissant de l'autre. Parfois c'est aussi des questions d'énergie, moi je sens très bien quand je suis pas dans la bonne énergie et que j'arrive pas avec le punch nécessaire et ce que je vais pouvoir donner au public, quand j'arrive pas à garder mon énergie jusqu'au bout de mon texte aussi, je sens que je suis en train de descendre et là je me dis oh là là, faut vraiment que tu reviennes. Et dans ces moments-là, quand moi, en fait, je donne moins au public, le public me donne moins en retour, c'est normal parce que ça circule l'énergie, quoi. Donc, dans ces moments-là, je sais que j'ai aussi mon rôle à jouer. Effectivement, ce serait injuste de blâmer le public uniquement sur les moments où ça marche pas. Mais parfois aussi, t'as un effet de salle, quoi. Ça marche pas pour la majorité du public et donc... c'est assez étrange, je pense, quand t'es dans le public, d'avoir une moitié ou un quart de salle qui rigole. Et donc, du coup, il y a un peu, peut-être un malaise qui s'installe. Et du coup, ça garde cette énergie-là. C'est très difficile de sortir de ça. Donc, ça dépend effectivement, je pense, de toi et des gens que t'as en face. Et c'est un système. Ouais. Mais parce qu'en plus, toi... Ben forcément, tu parles de toi et tu parles de ta vie, alors de trentenaire un peu paumé, mais aussi de ta vie de lesbienne et de ta vie de je sais pas s'il faut dire fanatique, parce que c'est un monde qui quand même est toujours un petit peu étrange, mais en tout cas de personne très intéressée par tout ce qui est l'horoscope, le zodiaque. T'as dit fanatique et je savais ce qui allait suivre. Oui, j'ai senti. Du coup, est-ce que tu sens que, en fonction des plateaux, le côté queer de ton humour, est-ce que par exemple tu fais comme j'ai déjà vu d'autres personnes faire, est-ce qu'il y a des queers dans la salle par applaudissement, ce genre de choses pour un peu tâter ton public? Alors en général, au début je l'ai fait, ça m'est arrivé, j'ai demandé s'il y avait des personnes queer dans la salle et il y a eu zéro applaudissement et j'ai passé une horrible scène. Et alors je sais pas si c'était à cause de cette question ou si c'était parce que du coup le public se sentait pas connecté à mon humour, ce qui est possible. Et en plus au début quand j'ai commencé le stand-up, j'avais pas forcément beaucoup de matériel. Donc je devais forcément arriver avec le texte que j'avais, qui était un texte très lesbien, très asro. Et donc j'avais pas de possibilité de me retrancher derrière des trucs qui sont peut-être plus, entre guillemets, grand public. Donc au début, je m'adaptais pas tellement aux scènes sur lesquelles j'allais, quoi. Maintenant, je le fais beaucoup plus parce que j'ai plus de matériel dans lequel je peux choisir. Ça me permet de jouer des textes qui parlent pas d'astrologie, par exemple, devant un autre public, et de sortir l'astrologie sur les scènes plus queer, par exemple au cabaret où tu m'avais invité, qui était une scène vraiment super, parce que là, je sais que au moins la moitié des gens va accrocher à ces blagues-là, quoi, et ça me fait plaisir aussi de les faire à des gens qui les comprennent. Ça a pas d'intérêt pour moi de les faire devant un public qui se dit mais de quoi cette personne est en train de me parler. J'ai pas envie d'avoir cette connexion-là, ça a pas de sens, quoi. Oui, parce que le stand-up, justement, ça joue beaucoup sur la connexion que vous pouvez créer avec votre public et sur une espèce de connivence que vous pouvez avoir, ouais, avec le public. Et ouais, du coup, quand tu viens faire de l'humour queer devant des personnes qui ne sont pas du tout queer, comment ça se passe? Ça réussit quand même aussi, ou bien en fait les blagues astro et lesbiennes, c'est vraiment pour les scènes queer exclusivement? Non, c'est pas exclusivement pour les scènes queer, parce que j'ai réussi avec le temps à adapter mon texte pour qu'il soit moins niche. Alors j'ai toujours des blagues qui sont très niches et celles-là je les garde pour les shows où les personnes sont plus concernées. Mais sinon il faut que je sache aussi à qui je parle, et comme l'humour c'est aussi basé sur des références, si les gens n'ont pas les références, ça va pas leur parler, ils vont pas rire, quoi, donc ça va pas marcher. Mais du coup, ouais, avec le temps j'ai retravaillé mes textes et maintenant ils passent dans des contextes beaucoup plus larges avec des publics très différents. Et c'est ça qui est très chouette aussi, c'est pouvoir parler de soi, de pouvoir parler de queerness et d'astrologie à tout le monde, même si je pense vraiment pas qu'on puisse plaire à tout le monde, ça c'est pas possible, mais ce que je veux dire c'est un public plus large, quoi. Et par exemple, il y a d'autres humoristes que j'admire beaucoup, comme Lou Trotignon, qui a tout un spectacle sur sa transidentité, sa transition, qui fonctionne super bien. Et il ne parle pas que aux personnes queer, quoi. Enfin, ce serait hyper réducteur de penser que parce qu'on raconte des histoires queer, on peut parler qu'aux personnes qui nous ressemblent. C'est dommage. Et ce n'est vraiment pas ce que j'ai envie de faire non plus. Oui. Et alors, de ce que j'ai compris, la plupart des scènes, ou en tout cas toi tu performes, et la plupart des scènes qui sont ouvertes aux personnes qui font du stand-up, c'est des plateaux d'humoristes où il y a 4, 5, 6, 7, 8 personnes qui passent en une soirée. Mais toi... qui parle, alors ici c'est un podcast qui est quand même plutôt queer, donc on va plutôt parler de ça, mais qui parle aussi de ta vie, est-ce qu'il y a aussi une mise en danger, parce que la lesbophobie ça existe, la queerphobie ça existe encore en Belgique aujourd'hui, est-ce que tu t'es déjà sentie en danger sur des plateaux ou pas? Je me suis jamais sentie en danger, je me suis sentie très très mal à l'aise une fois, mais pas en danger. Je ne sais pas si c'est parce que je suis over-optimiste ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que c'était ma quatrième scène. J'en ai un souvenir très, très net parce que c'était très dur. Où j'avais effectivement, comme je te disais, mon seul texte, mon tout premier texte, en fait, donc sur l'astrologie, sur les lesbiennes et la drague entre meufs. Et je l'ai joué devant un public composé exclusivement de mecs 6-7 qui n'avaient jamais vu de stand-up de leur vie. Et ils ont pari une seule fois. Sauf un moment où je dis le mot « dileuse » et ils ont ri au mot et pas à la blague que je faisais. Ah en oui. fait. Et je me suis dit wow. « waouh ». Et en fait, là, je l'ai pris pour un exercice. J'étais là « ok, c'est pas grave, ça va être très très long, ça va être les 8 minutes les plus longues de ta vie, mais tu vas aller jusqu'au bout ». Et je me suis dit ouais, que c'était un exercice pour moi, quoi, vraiment de garder l'énergie jusqu'à la fin du truc. Et après, c'était dur parce que juste après, il y a un humoriste qui est monté qui a fait des blagues homophobes et tout le monde a ri. Et moi, j'étais dans les coulisses en train de me dire bah, que personne ne m'avait vu ou que personne ne m'avait entendu. Ou que, c'était très dissonant pour moi, ce sentiment, quoi, de me dire que je venais de faire autant de blagues lesbiennes et puis qu'après, les blagues homophobes fassent rire. Mm-hmm. C'était dur, quoi. C'était ouais. vraiment très, très dur. Mais pas en danger, non. Bon, après, j'imagine que oui, ça peut arriver. Mais sur les plateaux, en général, le public est très bienveillant. Ça veut pas dire que tout le monde est genre à la pointe de la déconstruction, pas moi non plus hein, d'ailleurs, mais en général c'est des ambiances assez choupies, surtout sur les open mic où les gens savent bien qu'ils viennent voir des humoristes, soit qui débutent, soit qui testent, et donc on a vraiment un mood ouais, de bienveillance. Ok, et il y a aussi un travail qui est fait par la personne qui présente la scène. Parce que dans le cabaret, ça se fait beaucoup de justement appeler à la bienveillance par rapport aux personnes, surtout les personnes un peu débutantes ou dont ce sont les premières scènes, etc. Ça, c'est aussi des choses qui se font en stand-up. Bah, dans les open mic de Bilal, enfin, feu les open mic de Bilal, puisqu'il arrête malheureusement. Ça, c'était quand même. Lui, il avait vraiment ce truc d'arriver à mettre une ambiance de bienveillance, justement. Et au début de la scène, il prévient que les gens vont tester, qu'il y a des blagues qui vont naître et qui vont mourir sur scène, fatalement. Parce que quand ça marche pas, on les refait pas. Quoique, moi, je laisse quand même plusieurs fois leur chance à des blagues, parce que je me dis que parfois, c'est aussi peut-être une question de circonstance, qu'elles étaient peut-être mal amenées. Enfin, bref, voilà, je les teste plusieurs fois. Et puis en général, oui, sur les plateaux de tests ou les open mic, on prévient effectivement que c'est ça qu'on est venu voir et que ça va être une étape de travail, en fait. Ouais, ouais. Et alors, il y a aussi, plus particulièrement, je trouve, les open mic et les plateaux qui sont organisés pour les personnes finta, pour les personnes finta, donc qui mettent en avant uniquement des femmes et des minorités de genre sur scène. Là, je trouve qu'il y a encore davantage un climat de bienveillance qui est instauré aussi par les maîtres de cérémonie, quoi. Ouais. Ok. Et parce que donc oui, de ce que je comprends, là on en a déjà un petit peu parlé, mais le mode de fonctionnement de l'humour, qui est en fait, on a le mythe de il existe des personnes drôles, qui je pense est un mythe à déconstruire de toute urgence, mais en fait c'est énormément de travail et justement d'aller, de tester, de raffiner, de retester, de se prendre un mur, de se dire ah mais ça a fonctionné, donc ça je vais élargir mes machins, et le milieu du stand-up, j'ai l'impression qu'il s'est vraiment structuré autour de ça, c'est-à-dire faire beaucoup de scènes, quitte à les faire dans des endroits très précarisés, genre des bars ou quoi, où vous êtes payé très très mal, mais ça vous permet d'enchaîner les scènes, et du coup, en fait, vos résidences, entre guillemets, vous les faites devant des publics variés pour tester, et ouais. agrandir petit à petit, c'est ça ? Oui, c'est ça, le processus de travail, c'est vraiment ça. C'est que, bon, d'abord, il y a un processus assez solitaire d'écriture, je trouve, où on écrit un peu chacun dans notre coin, à moins de constituer un peu des petites communautés pour faire des groupes d'écriture, ce que je trouve quand même assez utile, parce que quand on coince sur une punchline ou qu'on se dit tiens cette punch je pourrais la pousser plus loin mais j'y arrive pas, bah là on fait un peu des brainstorm entre nous et on peut vraiment amener notre écriture à un niveau supérieur, donc ça c'est vraiment très cool. Mais sinon oui, globalement toutes les petites scènes qu'on fait dans des, comme tu dis, qui sont très mal payées effectivement, c'est des étapes de travail pur, quoi. Tu vas vraiment tester ton nouveau matériel, tu vois ce qui prend, ce qui prend pas, ce qu'il y a à retravailler. On s'enregistre beaucoup pour pouvoir réécouter après les enregistrements et voir où on a eu des rires, où on a eu des applaudissements. C'est-à-dire, ok, ça c'est super, je garde. Ça c'est un bide, ça fait 10 fois que je bide sur cette vanne, je la garde plus. Et faire un tri, quoi. Et progressivement affiner ton texte, ouais. Ok. Et parce que donc du coup, tu as participé à Queerosity, tu es allé plusieurs fois au Sassy, et justement, le premier épisode, c'était avec Lily du Sassy. Moi, je t'ai invité à Frix et Merveilles à la fête de clôture de la première saison. C'est quoi pour toi les différences ou les enjeux particuliers qu'il peut y avoir à performer dans une scène plus cabaret que dans un plateau d'humour? Bah, au Sassy Cabaret, par exemple, qui est un de mes meilleurs souvenirs de stand-up de cette saison, d'ailleurs, avec ton cabaret, et Esperanza l'année dernière. Je crois que c'était genre, c'était incroyable. Mais dans ces scènes-là, particulièrement, ce qui met un peu la pression, c'est d'être là eux seuls dans sa discipline, quoi. Parce que d'habitude, on a vraiment l'habitude de jouer avec d'autres stand-uppereuses. Et donc, les gens viennent voir du stand-up. Ils savent qu'ils vont voir du stand-up et tu fais partie d'une line-up de cette discipline-là, quoi. Or, dans le cabaret, j'étais la seule stand-uppereuse et chez toi aussi. Et du coup, bah moi, en tout cas, personnellement, je me mettais la pression, quoi. Je me disais, mais il faut. Parce que la barre était haute, c'est des line-up quand même assez incroyables avec des performeuses qui sont, enfin que je voyais sur scène alors que moi je montais pas encore sur scène, quoi. Donc il y a un côté un peu impressionnant aussi à être sur scène avec elle, et puis se dire tiens mais en fait si ça plaît pas aux gens parce que il y a pas souvent du stand-up dans les cabarets non plus, c'est pas tellement un art qui a sa place en général. Et donc, du coup, voilà, on se dit, bon, est-ce que les gens vont prendre? Est-ce que ça va aller? Au Sassy, j'avais 2 fois 5 minutes, c'est des formats très courts pour du stand-up. Donc, j'étais là, il faut vraiment que les gens, ils accrochent tout de suite. Donc, j'avais gardé vraiment toutes les punches, quoi. Donc, j'avais gardé un truc très rythmé et ça a trop bien marché. Et dans ce moment-là, c'est vraiment un pur kiff, quoi. Mais parce que à l'inverse, on pourrait se dire aussi qu'il y a moins de comparaison entre guillemets à se dire ouais mais la personne avant était un peu plus drôle ou ouais mais machin. Là justement il y a aussi l'avantage de la surprise et Ouais, de c'est l'étonnement. vrai. C'est vrai que c'est difficile de pas se comparer aux autres humoristes, surtout quand il y en a qui cartonnent à des soirées et que toi tu descends et que t'es pas trop satisfait de ta scène et tout, c'est un peu dur. Mais la comparaison, ça doit être un moteur de travail, je pense. Quand on se compare, je pense que c'est parce on voit chez les autres quelque chose qui manque chez soi. Et c'est bien de pouvoir l'identifier, de se dire, ah tiens, pourquoi est-ce que tout à coup j'ai de l'envie par rapport à cette personne qui teste du neuf tous les soirs? Bah, c'est parce que moi aussi j'ai envie d'écrire du neuf, tu vois. Et ça permet d'identifier ce qui te manque. Du coup, c'est bien. Pas mal aussi quand quelqu'un fait une blague très similaire à une blague que toi tu fais, t'es là, oh là là, mince, on a les mêmes blagues et tout, bah, ça doit être un moteur de jeu. Améliore ta blague, enfin, change-la et réécris-la, quoi. Donc, c'est toujours des incitations à travailler et c'est très chouette. J'aimerais bien avoir le même rapport que toi à la comparaison aux autres. Tout n'est pas rose, hein. Là, je sors que sous mon meilleur jour dans ce podcast, mais non, parfois c'est dur, mais c'est bien d'essayer de se le rappeler, quoi. Ouais. Et performer dans du cabaret queer, est-ce que tu ressens aussi une espèce de nécessité de représenter ou justement de sortir spécifiquement des blagues queer ou est-ce que tu te laisses la possibilité de faire ce que tu fais et de sortir un 5 minutes ou un 12 minutes comme tu pourrais sortir ailleurs? En fait, c'est pas tellement une nécessité plutôt que une opportunité de moi me faire kiffer, quoi. Parce que quand je peux sortir des blagues super niches, des blagues super queer et que le public répond à ça et rit à ça, moi, ça me fait tellement plaisir. Je me dis, ce serait dommage de m'en priver, quoi. Tu vois, enfin, c'est aussi un kiff pour moi de monter sur scène. Donc, dans ces cas-là, moi, je suis là, ouais, trop bien. Je vais pouvoir sortir mes blagues lesbiennes, je vais pouvoir parler d'astro, je vais pouvoir y aller à fond. Après, je parle pas que de ça. Quand j'ai des sets de 12 minutes, par exemple, j'ai pas 12 minutes de blagues lesbiennes, j'ai plein d'autres trucs à raconter. Donc, je les mets dedans, quoi. Mais je Oui. me permets de les mettre dedans en sachant que ça va être un chouette moment. Ok. Et pour le moment, un peu toutes les scènes queer dans lesquelles tu as performé, le public, entre guillemets, était assez homogène dans le sens où ça rigolait très fort à chaque fois sur les blagues queer, ou tu sens quand même que, en fonction des lieux, c'est des publics différents? Ça rigole à tout en vrai. Hein. C'est un public qui est assez généreux, je trouve, en général. J'ai aussi eu d'autres publics qui n'étaient pas forcément queer, qui étaient très généreux. Hein. C'est pas ça que je dis. Mais là, si je dois me concentrer sur les publics queer devant lesquels j'ai joué, c'était toujours des scènes où on reçoit beaucoup. queer ou féministe hein, d'ailleurs, des gens qui se, enfin je pense aux scènes des sous-entendus par exemple, c'est toujours des publics c'est queer mais pas que quand même, et c'est vrai que là l'échange d'énergie il est formidable quoi, il y a vraiment un truc qui circule qui fait que toi sur scène, enfin t'as plus envie de descendre quoi, t'as envie que ton truc il dure des heures, c'est dingue. Ah oui, et donc au-delà des publics queer, jouer devant un public finta, c'est vraiment pas la même chose que de jouer devant un public tout public entre guillemets. Ouais, moi je trouve pas, effectivement. Je trouve que j'ai plus. Alors on m'a souvent dit oui, mais c'est parce que c'est ton public. J'ai envie de dire et alors parce que c'est pas grave d'avoir un public. Enfin, justement. Enfin, comme je le disais tout à l'heure, moi je pense vraiment pas qu'on peut faire rire tout le monde. Donc l'idéal c'est de trouver son public et puis une fois qu'on l'a trouvé c'est vraiment c'est le kiff quoi, absolu, parce qu'ils viennent te voir toi, ils ont envie de t'entendre, alors que dans les scènes les open mic etc, les gens qui viennent ils savent pas qui t'es, t'as vraiment tout à leur prouver quoi, donc ça c'est, mais c'est intéressant hein, c'est intéressant dans le travail aussi de pouvoir se confronter à des gens qui te connaissent pas et qui vont peut-être pas rire à tes blagues quoi. C'est vraiment vraiment très très riche comme mais du coup en fait c'est hyper confortable de jouer devant un public qui est ton public. Ouais. Super. Eh bien nous allons continuer en parlant un petit peu plus de ta, en tout cas le très beau bout de carrière que tu as déjà fait dans le stand-up et le milieu du stand-up, mais avant ça nous allons écouter ton premier choix musical qui est apparemment en bonne place dans ta playlist du moment, c'est Too Sweet de Hozier. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est parti. Vous êtes sur Radio Panique et vous écoutez Freaks et Merveilles. You're too sweet for me. Merci pour cette découverte. Et donc tu me disais qu'apparemment c'est un sacré tube lesbien. Ouais, bah, Hozier, c'est une icône lesbienne, ouais. Par quelqu'un qui ne l'est pas vraiment. Non, absolument pas, mais voilà, donc il fait ses chansons qui te détruisent émotionnellement et tu les écoutes en pleurant et t'en redemandes, quoi. Je sais pas, visiblement, c'est un truc de lesbienne, j'en sais rien. Eh ben, tiens, justement, pour enchaîner sur un peu le deuxième thème du jour, est-ce que le milieu du stand-up, il est doux? Oh, c'est une bonne question. Moi, d'instinct, j'ai envie de te dire non. Je crois pas que le milieu du stand-up en soi, il est doux, mais par contre, on se crée des espaces qui le sont. Je pense notamment à la collective Latou Comédie, qui du coup organise des scènes pour les personnes, les femmes et les minorités de genre. Je pense aux sous-entendus qui font la même chose. Et ça, c'est des espaces très doux, quoi. Et puis, moi, j'ai rencontré aussi des personnes qui sont vraiment chouettes, avec qui je passe du temps en dehors des scènes aussi, à qui je demande des conseils de stand-up qui sont toujours bienveillantes. Et ça, ça fait vraiment du bien. Et qui sont pas dans la compétition, quoi. Tu vois qu'il y a pas de, il y a pas cet aspect-là. Donc ça fait vraiment du bien. Ok. Je fréquente pas trop les mexicettes du stand-up, mais c'est parce qu'en général je les fréquente pas non plus dans la vie. Donc je suis pas très bonne en networking. Voilà. D'accord. Ça c'est une de mes faiblesses, je pense, parce que c'est aussi un milieu où il faut networker, je crois. Enfin, en tout cas, avoir des bonnes connexions avec les uns les autres, ouais. Voilà. Mais moi, si j'ai des connexions avec des gens, c'est parce que je les apprécie sincèrement. Donc, j'ai du mal à créer des liens qui soient factices, quoi, et qui soient basés uniquement sur le networking. Moi, ça me convient pas du tout. Mais j'y arrive pas. Il y a des espaces d'adelphité, de sororité, ouais, qui se créent et qui permettent quand même des échanges et du soutien. Oui, grave. Et puis moi aussi, j'essaye d'être un peu un maillon de cette chaîne-là. Donc, par exemple, quand il y a des personnes qui débutent et que j'aime bien ce qu'elles font, a fortiori si c'est des personnes finta, je vais les recommander sur des plateaux, je vais donner leur nom aux organisatrices, etc. Moi récemment aussi, je bénéficie aussi de cette aide-là, de personnes qui sont dans le stand-up depuis plus longtemps, qui glissent mon nom à gauche, à droite et qui du coup me donnent des opportunités de jeu. Donc ça, c'est quand même assez cool. Il y a quand même encore une énergie qui circule, hein, pas celle du public cette fois, mais celle vraiment des humoristes entre eux, quoi. Donc oui, il y a des espaces, bien sûr. Et il y a des personnes avec qui c'est possible. Mais alors, en tout cas, de ce que j'en vois et de ce que, en tout cas, moi, j'en ai vu en grandissant, le stand-up, c'est quand même un espace assez masculin. Ouais. Du coup, qu'est-ce qui t'a amené là? Bon, alors, on me demande tout le temps ça. Et en fait, la vérité, c'est que moi, j'y connaissais rien. Au stand-up, quand j'ai commencé, je savais. En fait, j'ai jamais vu de stand-up de ma vie. à part. Ah, si, allez, mes références, c'est Michel Larocque et Pierre Palmade, un peu Anne Roumanoff, ces trucs-là, quoi. Ok. Donc, c'est des trucs qui datent un peu. Je connaissais pas la scène de stand-up bruxelloise, je savais pas où, dans quel bar on pouvait aller en voir. Voilà, rien du tout, quoi. Donc, moi, j'ai vraiment débarqué en mode ah, j'ai écrit un texte drôle, qu'est-ce que je peux faire avec? Et à ce moment-là, il y avait un groupe privé qui s'appelait L'Atout Comédie, qui était encore juste un groupe privé, voilà. Et elles m'ont dit, ah ben justement, nous, on va faire une séance en huis clos, donc où en fait, nous, on va venir jouer des textes et on va se faire des retours les unes les autres, tu peux venir. Et j'ai joué mon texte pour la première fois devant elles, en fait. Et elles m'ont dit, elles m'ont donné plein de pistes pour améliorer le texte, qui était vraiment, enfin, c'était vraiment des critiques constructives, mais dans tous les sens, je savais plus où donner de la tête. Du coup, j'ai vachement amélioré mon texte et puis je me suis inscrite aux open mic de Bilal dont je parlais tout à l'heure et ça a démarré comme ça, quoi. Donc j'avais aucune idée que c'était un milieu masculin non plus puisque j'avais pas du tout j'imaginais pas à quoi ça ressemblait, quoi, tu vois. Je m'en suis rendu compte en arrivant, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi beaucoup d'humour basé sur le sexisme, l'homophobie, la transphobie, voilà, ça c'est, on dirait que parfois les gens sont coincés dans les années 90, c'est assez fou. Ouais, mais ça j'en vois sur les plateaux, j'en vois tout le temps, quoi. Voilà. Ouais. Et du coup, une personne, a priori une personne finta ou queer qui commence le stand-up, c'est quoi du coup essayer de voir un peu une scène ouverte dans les environs, aller voir ce qui fonctionnerait. Est-ce que tu aurais des conseils à donner comme ça? Bah, je sais pas, je sais vraiment, je crois que ça dépend vraiment de chacun chacune, si ça rassure de voir un peu ce qui se fait, oui, allez, il faut aller voir du stand-up, mais ouais, quand je regarde en arrière et que je regarde mes débuts, je me dis que c'était pas mal, qu'en fait j'avais pas l'esprit pollué parce que c'était le stand-up, parce que comment il faut écrire, que c'est quoi une blague, enfin tu vois, genre trop de théorie, trop de... parce que je pense que j'aurais démarré en copiant peut-être des gens sur comment ils sont sur scène, sur comment ils écrivent, sur leur rythme, etc. Alors que moi, je suis vraiment arrivée avec mon truc. Et ça m'a permis de pas trop m'en détacher par la suite, j'ai l'impression. Parce que plus je vois du stand-up et plus je sens que mon cerveau, il est influencé par ce que je vois. Ah oui. Et c'est obligé. Je pense que dans toutes les pratiques, tu te nourris aussi de ce qui t'entoure. Et quand tu vois ce que font les autres, bah, tu te dis, ah tiens, ça marche bien, j'aimerais bien faire ça. Donc tu vas d'office prendre un peu une couleur, tu vois. Mais du coup, je crois que c'est un peu une force aussi d'arriver avec un truc neuf et d'arriver avec ton propre truc, ouais. Ok. Le milieu du stand-up, en tout cas de l'extérieur, il a vraiment l'air d'exploser depuis quelques années, mais maintenant même depuis, je sais pas, 4-5 ans, même un peu avant le Covid, et notamment via des initiatives, comme tu as déjà pu le dire, des sous-entendus, de l'Atout Comedy Club, etc. C'est vraiment... Toi, t'as l'impression d'être dans une nouvelle génération de stand-up, ou qu'en tout cas, il y a une nouvelle génération qui se crée, qui n'est plus forcément masculine, blanche et faisant des blagues homophobes, grossophobes, racistes, etc. Bah, comme je te disais, il y a encore un peu des résidus, quoi. Mais il suffit de regarder les line-up en général. Enfin, il y a un collectif à Montréal qui dénonce, à Montréal, au Québec, je ne sais pas si c'est Montréal en particulier, mais qui dénonce les line-up 100% masculines, qui s'appelle Mets des filles sur ton pacing. Le pacing, c'est la line-up. D'accord. À Bruxelles, tu peux faire ça aussi si tu veux. Hein. Toutes les semaines, des line-up 100% masculines, il y en a. Par contre, quand c'est une line-up 100% féminine, je mets des guillemets dans les airs. C'est écrit, tu vois. C'est ça la différence. Ah. C'est que c'est un argument de vente, c'est très énervant. Donc il y a toujours, je sais pas, j'imagine que les choses sont en train de changer. On dit tout le temps ça évolue, ça change, oui, et en même temps, ça change pas tout seul. Ça change parce qu'il y a des personnes qui font bouger les choses, enfin, voilà, les collectifs comme l'Atout, etc. Ça change parce que il y a des comedy clubs qui font des chartes, par exemple, le Kings a fait une charte. Après, il faut aussi faire respecter les chartes, ça c'est une autre histoire. Mais donc il y a des gens qui se posent des questions, le What the Fun aussi qui réfléchit beaucoup sur comment promouvoir tout le monde, avoir une diversité des line-up, etc. Donc Donc je pense que la réflexion, elle est en marche, mais il ne faut pas s'arrêter, quoi. Il faut continuer à en parler parce que parfois, on oublie, assez vite. Mais justement, pour des personnes queer qui nous écouteraient et qui seraient tentées d'aller voir un plateau, est-ce qu'on peut s'attendre à, comme dans de plus en plus de cabarets, qui est vraiment, on a déjà un tout petit peu parlé, mais qui est une attention portée à la bienveillance, qui est éventuellement des angels ou assimilés qui soient là pour s'assurer que s'il y a un souci, ce sera géré. Est-ce que concrètement, il y a des outils ou est-ce qu'effectivement... Parce que j'ai l'impression que parfois, il y a aussi un petit peu le truc de on sent que l'air du temps va par là et donc on va se mettre à parler chartes et machins et trucs, mais en fait, dans les faits... Il n'y a pas de travail de fond qui est fait pour former les équipes et pour réfléchir autour de ça. Bah c'est ça. L'application d'une charte, ce n'est pas juste une charte. C'est vraiment un travail actif de « Ok, on a écrit ça, mais qu'est-ce qu'on en fait quand on est face à un humoriste qui a des propos sexistes sur scène, etc. » Effectivement. Ouais. Donc du coup, est-ce qu'il y a des lieux, par exemple, est-ce qu'il y a des bars ou des lieux où on est à peu près sûr que ce sera du stand-up safe, entre guillemets, ou est-ce que c'est plutôt suivre des comptes et des activités comme l'atout, comme les sous-entendus, ce genre de poche et d'espace qui existe, ce serait plutôt ça ? Ce serait plutôt ça. Franchement, je peux pas, on peut jamais garantir qu'un plateau sera safe ou safer. Jamais. Beaucoup plus sur les plateaux des sous-entendus et de l'atout, parce que dès qu'il y a un propos problématique, en tout cas, c'est adressé par les organisatrices. C'est pas le cas partout. Ça m'est déjà arrivé de quitter une salle, moi-même en tant que stand-upeuse, hein, de quitter une salle pendant un open mic parce que je pouvais plus supporter ce que je voyais. Voilà. Alors, en l'occurrence, ça été pris en charge par le MC, qui est quelqu'un de très bienveillant et que je connais bien et qui est super. Mais ça ne se fait pas partout. Ça se fait pas partout. Et la personne, ce qui était chouette aussi ce jour-là, c'est que l'humoriste qui avait tenu ces propos-là m'a vu sortir et est venu me trouver à la fin pour qu'on ait une discussion. Et il était hyper à l'écoute. Donc j'en attends pas moins je vais dire quand même d'une personne qui tient ce genre de propos sur scène, surtout quand t'as de la visibilité. Je trouve que t'as une responsabilité. Tu peux pas dire n'importe quoi et dire c'est bon, c'était une blague, tu vois. Je suis vraiment pas d'accord avec ça. Donc la moindre des choses, je trouve, quand quelqu'un sort de ta salle, c'est effectivement d'aller lui parler. Et ce qui était chouette, c'est que du coup on a cherché des pistes ensemble pour que sa blague elle soit moins ce soit plus de l'humour oppressif, en fait. Et il a changé sa blague. Parce qu'en fait, elle était mieux après. Oui, parce que l'humour non oppressif, je suis désolée, c'est toujours mieux, quoi. Donc ça, c'était cool. Ça, c'est un événement quand même assez chouette qui s'est passé, quoi. Parce que on peut pas attendre de tout le monde d'être hyper conscient de l'impact que peuvent avoir certaines blagues, etc. Mais par contre, si on a en face de nous quelqu'un qui est prêt à l'entendre, ok, let's go, on va le faire ensemble le taf, tu vois. C'est pour ça que je dis que les espaces safer, ils se construisent pas tout seuls, ils se construisent aussi comme ça. Super. Et alors, pour revenir un petit peu à toi, on disait en début d'émission que tu n'étais pas la meilleure community manager, mais que tu te fais bien parce que ça faisait partie du taf. Oui. Toi, t'estimes que être présent sur les réseaux sociaux, c'est nécessaire pour gagner en visibilité, pour garder des opportunités de scène, etc. Ouais, carrément. Je crois pas que j'ai rencontré un humoriste qui soit pas sur les réseaux sociaux. Peut-être un. Mais du coup, je savais pas qui c'était. Voilà. Et j'ai oublié qui c'était. Voilà, excellent. Oui, c'est terrible, mais en fait, c'est une fenêtre fabuleuse, quoi. Enfin, je veux dire, ça te permet de montrer qui tu es, ça te permet de montrer ton travail, de montrer ton évolution. Les gens, automatiquement, ils vont te chercher là. On a vraiment des réflexes aussi d'aller sur Instagram. Moi, je suis que sur Instagram parce que si je devais gérer deux réseaux sociaux, je serais déjà en burn-out. C'est pas possible. Donc oui, malheureusement, c'est un peu obligatoire, quoi, j'ai l'impression. Et alors, dans le drag, on a un peu ce concept des baby drag ou des artistes émergents-émergentes et puis de drag plus confirmés, etc., etc. Dans le stand-up aussi, il y a un peu ce... On parlait de soirées open mic. Il y a aussi des soirées où on vient te chercher, on vient te booker pour faire une première partie dans une autre humoriste ou pour toi-même assurer un show plus gros. Pardon, j'ai pas compris la question. Vous pouvez répéter la question. C'est très bien. Mais en gros, Comment ça se structure concrètement? Donc, Ah il y a les soirées un peu open mic oui. où les débutants-débutantes peuvent tester des trucs, ou même des personnes, si j'ai bien compris, plus expérimentées peuvent venir tester des formats. Ouais, c'est Mais ça. il y a aussi des soirées où on vient de booker pour faire des plateaux avec plus de place, Ouais. plus de temps, etc. Ouais. Alors du coup, les Et un scènes. cachet fixe. Oui, alors ça c'est une autre question. La question de la rémunération, c'est Très bien, on intéressant. en Je parlera vais juste après. l'aborder. Je vais faire ça en deux temps. Mais donc, effectivement, il y a des scènes comme le cabaret, comme le Fric et Merveille, par exemple, ou comme le Sassy Cabaret, où on est venu me chercher en disant, bah voilà, on voudrait montrer du stand-up, est-ce que tu veux jouer? Et puis alors, il y a les plus grosses scènes de stand-up, par exemple les scènes du What the Fun, qui ont aussi lieu dans c'est des endroits culturels. À Bruxelles, ça peut être des bars, ça peut être des scènes culturelles, etc. Enfin, des centres culturels plutôt, j'allais dire. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une sélection interne par les MC qui sont en charge des plateaux. Donc là, c'est un peu les dessous du stand-up, les dessous logistiques Mais du c'est bien. stand-up. Donc tu rentres dans le What the Fun parce que tu as une certaine expérience, qu'on t'a déjà vu jouer, qu'on se dit, tiens, cette personne a le niveau pour être dans le What the Fun, tu rentres dans le What the Fun. Et là, c'est un système de ah, moi, je suis dispo à telle date, telle date, telle date. Et puis, les MC, ils font leur line-up en fonction de qui a dit qu'il était dispo, quoi. Ça fonctionne comme ça. Pour le Kings, c'est pareil pour les plateaux du Kings. C'est un système de disponibilité une fois que tu es rentré dans le groupe des humoristes du Kings of Comedy Club, quoi. Et puis alors la rémunération. Alors souvent c'est il y a des cachets fixes sur des scènes, par exemple les scènes des sous-entendus, les scènes de l'Atout Comedy Club, c'est des cachets fixes. Elles sont bien payées d'ailleurs. Il faut parler d'argent quand même. Et par contre tout ce qui est What the Fun, etc. c'est à la billetterie, donc ça dépend. D'accord. C'est beaucoup plus variable. Et les scènes de test d'open mic, c'était pas payé du tout. Mais comme c'était des étapes de travail, bah c'est une opportunité aussi pour toi de jouer. Donc voilà, le Bilal, il était assez transparent là-dessus, que lui, il rentrait à peine dans ses frais, quoi. Donc c'était un peu compliqué pour lui de payer les artistes. Et parfois, c'est payé au chapeau. Et donc là, c'est au bon vouloir des spectateuristes, quoi. Ouais. Très bien. Et bah, pour revenir plus particulièrement à toi, parce que j'ai conscience que je te demande un petit peu de nous expliquer comment fonctionne le stand-up en général à Bruxelles. Ouais, c'est un TED Talk maintenant. Voilà, ça c'est officiel. Toi, c'est quoi la prochaine étape pour toi dans le stand-up? Parce que tu as une autre actualité, mais dont on parlera après. Mais Oui. dans le stand-up, où est-ce que tu en es? Où est-ce que tu te sens allé? Écoute, là, moi, j'ai environ une demi-heure de matériel pour le moment. Cette année, ce que j'aimerais, c'est écrire pas mal de neuf et le tester sur scène pour pouvoir étoffer cette demi-heure, qu'elle devienne peut-être 1 heure et que ça devienne peut-être un spectacle. Ça, ce serait vraiment chouette. Ouais, j'aimerais vraiment Ça bien. reste un peu le Graal, j'ai l'impression, le spectacle. Mais oui, le Graal, et en même temps, c'est atteignable. Tu vois, c'est pas impossible d'avoir 1 heure de spectacle. Je veux dire, après, c'est où tu vas le jouer, etc. Oui, certes, ça, c'est autre chose. Mais c'est un rêve atteignable, je pense, en tout cas dans un futur plus ou moins proche, quoi. Après, récemment, j'ai fait une résidence, enfin, un stage de 3 jours sur l'identité artistique. Où en fait, on nous avait posé la question, tiens, tu te vois où dans 5 ans? Et moi, je disais, mais moi, j'ose pas rêver à mon futur en tant qu'humoriste, quoi. Et on m'a dit, mais en fait, justement, si tu ne te visualises pas, si tu n'oses pas rêver, comment est-ce que tu vas avancer, quoi? Je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, ça coûte rien de rêver et ça peut tellement m'aider à me projeter et à prendre les bonnes décisions aussi pour la suite du travail, et me dire, ok, mais en fait, moi, c'est là que je veux aller, du coup, je vais faire ça, ça, ça, et tu prends tes décisions en fonction de ta vision. Tu vois, ça paraît un peu mystique, hein, quand j'en parle comme ça, mais en fait, c'est très concret. Du coup, maintenant, j'ose un peu plus rêver à des trucs en termes de stand-up, où je me dis, ouais, je veux faire ça le comble au Cirque Royal, je sais pas, je veux inviter Anna Gatsby en première partie. Bon, là, c'est faux, mais c'est pas grave. Enfin, voilà, des trucs un peu décadents, quoi. Pourquoi, je sais pas, J'adore se faire un peu décadent. plaise dans sa tête, quoi, aussi, parce que pourquoi pas? Mais c'est intéressant que dans un milieu où tu bosses autant, en fait, garder de la place pour le rêve, le fantasme et la projection, c'est pas évident. Mais c'est pas évident, et en même temps, effectivement, comme je disais, si tu te projettes pas, je pense que tu avances jamais vers cette destination-là, quoi, tu vois, parce que moi, j'arrêtais pas de dire. Oui, je disais souvent, Je verrai où ça mène, je prends les choses comme elles viennent, je laisse le truc se faire. Mais en fait, non, en fait, j'ai envie d'emmener le truc dans une certaine direction aussi. Je peux pas être complètement passive et me dire que j'ai aucune agentivité en fait sur, sur ce qui est en train de se passer, parce que c'est faux. Et voilà, donc du coup, j'ai un peu changé de mood. Super. Et par rapport à ce que tu dis sur le fait que, par exemple, là, donc toi, tu estimes que tu as à peu près une demi-heure de matériel que tu peux montrer sur scène, que tu vises une heure, etc. Mais dans le stand-up, tu pars beaucoup de toi et tu parles beaucoup de toi, mais toi, tu évolues, tu changes. Oui. Peut-être que des blagues que tu faisais il y a un an et demi, deux ans, aujourd'hui, tu les ferais plus parce qu'elles ne te correspondent plus ou parce que tu trouves en fait plus ça drôle ou quoi. C'est quoi ce rapport justement au fait de pouvoir peut-être figer une identité ou te figer toi et te laisser cette possibilité de grandir, de changer, d'évoluer? Ouais, c'est marrant parce que du coup, je pense toujours à Lou Trotignon aussi, je l'ai déjà cité tout à l'heure, mais quand tu dis ça, parce que lui, il disait, il faisait un spectacle sur sa transition, il disait, mais ma transition, elle va plus vite que mon spectacle. Donc, il devait tout le temps changer son texte, et son spectacle a beaucoup évolué avec lui. Et en même temps, c'est un voyage, quoi. Enfin, je sais pas, tes textes, ils changent avec toi, heureusement. Ouais, je trouve ça assez cool. Enfin, de mes premiers textes, j'ai gardé des choses, mais il y a aussi plein de trucs que j'ai pas gardé. Déjà parce que c'était pas forcément drôle, mais aussi parce que oui, parce qu'effectivement ces blagues, elles me parlent plus. Et en fait, c'est cool parce que c'est vivant. Enfin voilà, c'est ça l'intérêt aussi du stand-up, quoi. C'est que, et pour moi, c'est important aussi de pouvoir faire évoluer mon texte avec moi, parce que un truc qui est vraiment important pour moi dans l'humour, c'est de rester authentique et de vraiment être sincère, quoi. Donc d'avoir de toujours parler de moi avec sincérité, ouais. Super. Eh ben, on va parler de sincérité, on va parler de futur après une deuxième petite pause. Mais en attendant, ton deuxième choix musical, c'est une autre bombe. C'est Industry Baby par Lil Nas X. On s'écoute ça et puis on vient pour la troisième partie du podcast. Baby bet, ayy, couple X, ayy, couple Grammys on him, couple Plex, ayy, that's a fact, ayy, throw it back, ayy. Vous êtes sur Radio Panique et vous écoutez Freaks et Merveilles. Eh ben, quelle bombe. Bah ouais, hein. Mais en même temps, tout ce que cette personne touche devient un peu de l'or, hein. c'est assez formidable. Pour aborder cette troisième et dernière partie, un sujet autour duquel on a un petit peu tourné, mais sans vraiment y plonger, c'est un peu le sexisme dans le milieu du stand-up. Ouais. alors... Moi, je vois ça évidemment de très très loin, mais je vois souvent passer des trucs qui disent en gros que y a beaucoup de gens qui considèrent que pour être drôle, il faut être un homme, que si t'es une femme ou une minorité de genre et que tu fais rire, c'est bon parce que t'es tombé sur les bonnes personnes ou qu'il y avait ta famille au premier rang, qui chauffait la salle ou quoi. C'est une réalité. Oui, mais de ouf. Enfin, moi, le nombre de fois où j'ai entendu que mon humour, il était niche, ou que je faisais de l'humour engagé. Je parle pas des gens qui... Enfin, tu vois, des rames de métro qui sentent le pipi, désolé, tu vois, voilà. Donc, tout ce qui est en dehors de ça, visiblement, c'est de l'humour engagé. Breaking news. Et donc oui, on m'a dit ça. Ou alors, quand il y avait des scènes qui marchaient, bah oui, c'est parce que j'avais un public acquis à ma cause. Ce que je trouve assez méprisant, en fait, pour le public, c'est comme si ce public-là, il n'avait pas d'esprit critique, quoi, tu vois. Il n'arrive pas à choisir ce qu'il fait rire ou pas. Il est juste acquis à ma cause, quoi. Mais du coup, si dans un même plateau, un public rit à tes blagues, il y a des blagues de mecs, c'est qu'ils ont acquis un esprit critique entre les deux passages, c'est ça? Ouais, ou... je crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'est que ça. Tu les as éduqués passe. Pour que les mecs puissent les faire rire. Ouais, peut-être. Ouais. Ou alors ils sont bêtes. Je sais pas. Non, évidemment, hein, c'est du second degré. Je ne pense pas du tout un mot de ce que je dis. Ouais, mais c'est ce qu'on nous... Enfin, les minorités, encore je mets des guillemets à ce mot, c'est ce qu'on nous dit souvent. On nous dit qu'on va remplir les salles qu'avec des personnes qui nous ressemblent ou avec nos potes, puis qu'après ce sera fini, il n'y aura plus personne. Sauf que Sauf qu'on voit bien que c'est pas le cas. Enfin, les personnes queer, elles remplissent les salles. Les gens, ils sont en demande de ce genre de contenu de plus en plus, quoi. Enfin, c'est tout le temps full. Je sais pas comment on doit prouver encore qu'on est drôle, en fait. Qu'on est drôle avant d'être queer. Et aussi qu'on a le droit de se planter, quoi. Par exemple, parce que les mecs, ils peuvent se planter, mais tranquille, c'est pas grave, c'est pas eux. Tu vois, c'est pas... Par contre, toi, tu te plantes, ben, c'est toutes les meufs qui se plantent avec toi, c'est toutes les personnes queer qui se plantent avec toi, c'est toutes les meufs qui sont pas drôles, c'est toutes les lesbiennes qui savent pas faire des blagues. Et ça, c'est vraiment... C'est une pression, c'est énorme, quoi. Moi, j'ai envie de pouvoir me planter, parce que me planter, ça fait partie du taf, quoi. Ça veut dire que j'ai encore de la marge de progression, ça veut dire que ma blague, il faut que je la réécrive, ça veut pas dire que je suis une meuf et que je suis pas drôle, tu vois. Ouais. Ouais, Lauren Marx disait on aura vraiment acquis l'égalité le jour où les personnes queer auront le droit d'être médiocres. C'est ça, exactement ça. Je le droit ça à la médiocrité. Fort, ouais. Le droit à la médiocrité, c'est balèze. Ouais, vraiment. Et, bon, là même, en plus, dans ce que tu dis, on parle pas de médiocrité, on parle en fait de bosser. Et du coup, bah, pour bosser, il faut se planter, il faut se prendre des murs et oser y aller, quoi. Mais c'est ça, mais en fait, on peut pas se permettre d'être médiocre. Tu vois, c'est exactement ça le problème, c'est que... T'as pas la marge pour ça, quoi. Tu dois toujours, et c'est pour ça que les personnes fintes autour de moi, elles travaillent trois fois plus, et les personnes racisées encore plus, quoi. Parce qu'on n'a pas le droit à ça. Mm-hmm. Parce que sinon, bah, on est effacé, quoi. Donc, ouais. Et parce que tu disais que, on disait que tu faisais de l'humour engagé, parce que tu parlais d'autre chose que des rames du métro qui sentent le pipi. Oui. c'est considéré plutôt. Un peu comme un tue-l'amour, l'humour engagé dans les plateaux stand-up non spécifiquement politisés, on va dire, entre guillemets. Bah, en tout cas, je pense pas que le mot engagé ait une connotation positive, tu vois. Je pense pas que quand on me dit tu fais de l'humour engagé, ça veut dire oh, c'est super, j'ai envie de venir te voir, tu vois. Je pense plutôt ah là là, c'est trop relou, j'ai pas envie d'entendre ces vannes là, quoi. C'est comme quand, enfin, je sais pas, si tu fais de l'humour écolo, j'en sais rien, quoi. En fait, tu saoules tout le monde, tu vois. Enfin, il y a un peu un sous-entendu comme ça, je trouve, quand on dit que tu fais de l'humour engagé. Et en fait, en même temps, c'est pas faux. En ce qui me concerne, si politique, c'est engagé, alors oui, parce que pour moi, c'est hyper important de faire de l'humour politique. C'est hyper important d'avoir un message, même si j'ai aussi envie de faire de l'humour qui soit juste de l'humour. Comme les mecs, tu vois, peuvent se le permettre de A à Z. J'ai aussi envie de moi faire des blagues qui n'ont pas de message politique et qui n'ont pas de... Comment... c'est quoi le mot que je cherche ? Je sais plus, c'est de pas fond grave. Ou de... Oui, bah oui, enfin oui, je pense que c'est quelque chose comme ça, quoi. Vraiment un truc juste de l'humour pour de l'humour, quoi, tu vois. Mais en même temps, comme je disais tout à l'heure, être sur scène, pour moi, c'est aussi une responsabilité. Il y a des gens qui te voient, il y a des gens qui te suivent. Tu dois faire attention à ce que tu dis, et je pense que c'est aussi une tribune, quoi. C'est aussi un endroit où tu peux essayer de faire passer des messages. Et moi, c'est ça que j'essaye de faire quand même dans le stand-up, c'est pas de l'endoctrinement, tu vois, je fais pas du prosélytisme, mais un peu quand même, quoi, tu vois, il y a un peu de... Ouais. Le lobby est un peu présent. Un petit peu, on va pas se mentir, ouais. Oui, bah, on en a beaucoup parlé dans la première saison de Frix et Merveille, notamment avec Blanquette Lagoulue, sur le fait qu'en fait, l'humour, c'est politique, et que même, très souvent, ça passe beaucoup mieux quand on rit que quand on nous met vraiment notre nez dans notre caca, en disant, mais rends-toi compte que ce que tu fais là, c'est vraiment dégueulasse. Change. Ouais. Si on fait des blagues et qu'on met un peu les gens devant un miroir, mais en disant, mais regarde, c'est quand même pas ouf, tu pourrais faire autrement. Ouais. Ben, c'est plus invitant. Et oui, donc... c'est ça. Un de mes meilleurs compliments d'ailleurs, c'est quand je suis sortie de scène, il y a un mec qui est arrivé qui m'a dit, je suis un mec cis hétéro et j'ai trop rigolé. Et j'étais là, yes, je t'ai eu, mon pote. Welcome. Trop bien. Merci pour ça. Et oui, pour terminer avec ça, le milieu du stand-up, comme par exemple le milieu du théâtre, même si ça change un peu, c'est quand même un milieu qui reste tenu par des hommes dans les principales positions de pouvoir et positions décisionnaires, par exemple de tenir les salles, tenir les line-up, dire qui fait quoi et qui ne fait pas quoi, etc. Bah, les patrons des comédie clubs, les personnes qui sont à la tête des organismes, oui, en général, c'est des mecs. Ouais. Après, moi, je ne suis pas dans les hautes sphères, hein, donc je te parle de ma position d'en bas, là, de ce que je vois, mais oui, c'est les positions de pouvoir, elles sont toujours un peu monopolisées, ouais. Mm-hmm. Ok, bah, vivement que ça change. Hein. Ouais. Il y a une meuf au Kings. D'accord. Ouais. Ah, maintenant, il y a une meuf. Ouais. Ah oui. Moi, j'ai fait des spectacles d'impro à une époque, il n'y avait pas de meuf. Elle est bien connue, d'ailleurs. Son nom n'est pas difficile à trouver. Très bien. Pour terminer, Petit changement de registre, parce que tu as une autre actualité assez brûlante. Tu vas sortir tout bientôt, là au moment où est diffusé ce podcast, un livre Oui, c'est mon premier livre. qui n'est pas un recueil de blagues. Absolument pas, c'est même pas drôle du tout. Je Ok. vous préviens tout de suite. Ouais, c'est un premier roman qui parle du décès de mon père, que j'ai perdu d'un cancer il y a 3 ans et demi. Et ça parle de ça, ça parle de sa mort, et puis de l'absence, et puis de la relation quand il était vivant, et puis la relation quand il est mort, et un peu de ce lien que j'ai entretenu avec un mort, quoi, avec un défunt. Voilà, c'est ça. C'était comment le processus d'écriture pour toi qui commence quand même à avoir l'habitude d'écrire pour l'humour? Écrire un roman, c'est vraiment pas le même deal, quoi. Non, c'est pas du tout pareil, mais moi j'écris depuis très longtemps. En fait, j'ai des projets de romans dans mon ordinateur, j'en ai au moins un. J'ai écrit beaucoup de nouvelles, j'ai écrit plein de textes, puis j'ai écrit ce texte-là qui du coup va être publié. Donc en fait, mon rapport à l'écriture, il précède le stand-up, quoi. En fait, je suis arrivée dans le stand-up par l'écriture, parce que je me disais, j'avais un peu cette frustration que mes textes ils soient sur mes disques durs et qu'ils soient pas vivants. Et le stand-up, c'était un moyen de les faire vivre et de les partager beaucoup plus facilement qu'en cherchant une maison d'édition, etc., etc. C'est vraiment un autre procédé, quoi. Ouais. Et en même temps, on parlait, pardon, je te coupe, Non, mais on vas-y, vas-y. parlait du côté justement vivant de ton écriture, que tu aimais beaucoup réécrire tes textes, tes blagues passées, etc. Ouais. Là, une fois que l'objet est imprimé, il est imprimé. Oui, mais c'est bien aussi parce que si tu veux, tu peux écrire un texte toute ta vie et c'est très compliqué de s'arrêter. Et là, je me suis dit, bah, c'est bien si on m'oblige à m'arrêter. Surtout dans un texte comme ça qui est très très personnel et qui va chercher un truc vraiment de l'intime, quoi, très fort. Où à un moment donné, je pense qu'il faut vraiment le clôturer et que ce truc existe en dehors de moi. Et c'est le bon moment, en fait, pour qu'il soit dans les mains d'autres personnes et pour que juste il soit fini, quoi. Que moi, j'y touche plus. J'ai mis le point final. Là, c'est bon. Waouh! Eh ben, moi j'ai très très hâte de découvrir cette écriture-là parce que j'adore ce que tu fais sur scène en humour. Mais du Ah, coup, merci. ben vraiment, ben, je t'aurais pas booké sinon, évidemment. Mais et pour moi, faire de l'humour engagé, c'est pas vraiment une critique. Mais eh ben, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. C'était vraiment super. Avant de te laisser repartir, quelques petites questions rituelles. Yes. Alors, ben, on vient peut-être de donner la réponse, mais sans l'humour, tu serais devenu qui? Tu serais devenu quoi? Je crois que je serais devenue triste. Non, mais parce que pour moi, l'humour, c'est un mécanisme de défense à la base, je pense. C'est devenu un truc sur scène parce que je m'en sers, enfin que j'ai réussi à m'en servir. Mais sinon, ouais, je crois que j'aurais mal fini. Ok. Merci. Si tu as tout le budget du monde pour faire un spectacle ou pour faire un show, tu fais quoi? Bah, le stand-up, ça demande pas beaucoup de moyens. Donc, c'est pas tellement en termes de scéno, mais je pense que genre, je fais mon show d'une heure, là, mon grand rêve d'une heure avec Anna Gatsby en première partie. Et je book une immense salle, genre le Cirque Royal de Bruxelles, et c'est gratuit pour les Oh personnes waouh. queer et en questionnement. Voilà. On adore, on adore. Est-ce que vous parlez beaucoup, ton corps et toi? Maintenant, beaucoup plus qu'avant. J'ai longtemps eu l'impression que ma tête était séparée de mon corps et qu'il n'y avait pas trop de communication. C'est un truc que j'essaie de faire de plus en plus parce que je suis quelqu'un de très intellectuel. Donc, je comprends très vite les choses dans ma tête, mais je ne les incarne pas dans mon corps. Et du coup, en fait, je ne les vis pas. Et ça, à travers la pratique du sport, c'est quand même un truc qui va beaucoup mieux, quoi. J'ai fait du rugby pendant 9 ans. Et ça, c'est un Wow. truc qui m'a vraiment sauvé la vie, je pense. Ouais, à ce Ok, niveau-là. Ça super. a rétabli le dialogue un peu. Et dans le stand-up, le corps, il intervient? Il est là. Le mien, il est là en tout cas, mais je sens que j'ai envie de l'utiliser davantage. Ok. Donc Parce que je me justement, souviens de toi qui met littéralement le pied sur un mur, faute de Oui, tabouret, j'avais pas de pour faire une tabouret. blague. Ouais, ça fait partie des trucs. Ouais, effectivement, j'ai envie d'utiliser plus mon corps sur scène. Donc je vais essayer de l'intégrer davantage à l'avenir, ouais. Ok. Et Laetitia, plutôt Freaks ou plutôt Merveilles? Freaks, j'ai même pas besoin de réfléchir. Super. Eh ben, écoute, merci beaucoup à toi d'être venu. C'était Merci très très beaucoup. chouette de t'avoir. Et puis, eh ben, vivement la sortie de ton livre. Je te souhaite un lancement de qualité. Et puis, vivement la suite de tes aventures stand-upisées. On s'y verra avec plaisir. Oui. Et c'est ainsi que se termine l'épisode Freaks et Merveilles du jour. Rendez-vous dans 2 semaines pour un épisode tout en musique et en déconstruction. Mais chut ! En attendant, il y a plein d'épisodes à écouter ou redécouvrir sur les plateformes de podcast habituelles. N'hésitez d'ailleurs pas à recommander l'émission et y mettre plein de cœurs et d'étoiles pour qu'il soit mieux recensé et plus populaire encore. Et si l'envie et le cœur vous en dit, l'émission est sur Patreon. L'occasion de me donner un petit peu de soutien financier dans cette entreprise largement bénévole. En attendant, prenez bien soin de vous et surtout n'oubliez pas d'aller voir et soutenir les Freaks et les Merveilles sur scène. Freaks et Merveilles est une émission imaginée, enregistrée, montée et diffusée par Croc. Les visuels sont de Maël Christin et les audios de King Baxter. Elle est propulsée par Murmure ASBL et diffusée sur Radio Panique. Merci à Hello.